Les bas-fonds de Paris, tome 1, première partie, chapitre 4, l'éternel roman. C'était vrai, Valentine Clément avait du travail, et le lendemain, elle aurait de quoi acquitter sa semaine d'avance. En trimant jour et nuit, elle finirait sa grosse de petite peinture sur satin pour les boîtes à bonbons du nouvel an. Elle avait déjà peint la veille et passé la nuit du réveillon à se crever les yeux dans son atelier de la rue des Martyrs. C'est même en rentrant chez elle pour prendre 2 ou 3 heures d'un repos bien gagné qu'elle était tombée dans la rafle policière. On sait le reste. Courbée sous le poids de sa grossesse, dont le fruit misérable, secoué par tous les orages, semblait se décrocher avant terme, elle se redressa, vaillante encore sous le coup de fouet de la maternité, et dit, seule, d'un air de défi, dans son recoin de bouge, « C'est juré, pauvre innocent, pour toi, j'aurai tous les courages !» Et elle partit, tête nue, échevelée, en simple corsage et jupe noire, pour se remettre au travail meurtrier, sou à sou, exaspérant, mais sauveur. À l'atelier, on lui pardonna presque sa fugue d'une demi-journée, en faveur du réveillon, du bon Noël, et surtout de son talent précieux. La patronne, Madame Chameau, lui lança un mauvais boniment, et toutes les petites ouvrières ou artistes aux pièces s'esclaffèrent en sourdine. Tant il est vrai que les gueux sont des gens malheureux qui se détestent entre eux, n'en déplaise au doux Béranger. Valentine acheva son tas et toucha sa paix, moins 30 sous d'amende et de gâchage. C'était fini, plus d'ouvrage. « À l'année prochaine, ma fille !» lui souhaita gentiment Madame Chameau. « L'année prochaine » songea-t-elle amèrement. « Que va-t-elle m'apporter? Quelle douleur? Quel désespoir? Ou quelle honte ?» Et la pauvre se retrouva encore une fois dans la rue. Que faire? Machinalement, elle remonta du côté de Clignancourt et rentra à l'hôtel des Anges. La mère Goujard roupillait au fond de son boui-boui derrière le zinc sans un seul client. La fille-mère osa entrer pour la première fois dans l'immonde assommoir. Elle éleva la voix, réveilla la patronne qui sursauta et, forte de son argent en main, elle réclama ses effets. « Hein? De quoi? La roulure, qu'est-ce que tu veux ?»« Madame, riposta Valentine, je viens vous payer et je m'en vais. Rendez-moi ce que vous m'avez pris. »« on y va, nargua l'ogresse. On ne t'a pas pris grand-chose, eh, crâneuse à l'ami. » Elle traîna sur ses savates jusqu'au fond de son bouge et revint tout de même avec les vêtements, par crainte de la police, car elle savait Valentine honnête, malgré sa grossesse. « V'là tes fringues ! À boule le pèse. Et s'il n'y a que nib dans ton morlingue, dans ton porte-monnaie, c'est poda les niente avec mes zig. Oh, j'y, 3 fois j'y, oui, 3 fois oui. Tu peux virer du fin et rebondir à la lune, tourner le dos et déguerpir. Est-ce que t'entraves? Tu comprends? » L'ogresse était saoule et déversait sa bile. Valentine, écœurée, n'avait ni écouté ni entendu ses ordures. Elle s'empressa de régler la note et de disparaître avec son léger bagage. « Au fait !» fit la mère Goujard, se ravisant et devenant doucereuse. « Vous pouvez encore bâcher une semaine ici, puisque c'est carmé. Et durer, payer difficilement. Y a pas d'offense, c'est votre droit si vous voulez. » Valentine Clément pressentit un guet-apens abominable, d'autant plus certain que le répugnant Bibi Lapeau venait de surgir de l'arrière-comptoir et s'avançait en se dandinant, faisant toujours ses grâces hideuses. Il était ivre-mort, et damait le pion ce jour-là la mère Goujard, dont il était, disait-on, l'amant de cœur. La fille-mère se sauva de cet horrible refuge. Elle était toujours dans l'enfer de Paris, seule. Ce beau Paris, qui lui était apparu tout lumière, bonheur et soleil, après sa faute, après sa douloureuse et délicieuse chute passionnelle, Paris. Quelle désillusion navrante, quel deuil tragique, quel gouffre noir, quel abîme et quel tombeau. Et tout son cher roman d'amour repassa devant ses yeux troublés de larmes. Oh, combien tardive et inutile! Orpheline à 15 ans et fille d'officier, elle avait été recueillie par la châtelaine de Courtenay, mademoiselle Geneviève de la Roche-Cléris, bonne et pieuse vieille fille, entichée de noblesse, qui ne vivait que pour son neveu, Le comte Roger de Charmeuse, dit la ruine, comme on l'appelait dans tout le Loiret, et à Paris. Valentine était devenue la demoiselle de compagnie de la brave dame, et avait grandi tout en beauté, jusqu'au jour fatal où Roger, en villégiature au château de Courtenay, l'avait remarquée et, soit amour sincère ou désœuvrement, l'avait courtisée, adulée, séduite et abandonnée après les plus belles promesses. « Rien désormais ne peut nous désunir, lui disait-il au beau temps de leurs ivresses. Je suis maintenant aussi pauvre que vous, votre père est mort devant l'ennemi pour la défense du drapeau. C'est une noblesse qui vaut bien la mienne. Je vous aime et je vous adore. L'amour n'est-il point le suprême niveau, le grand égalitaire, au mien idolâtré ? » Doucement, elle s'abandonnait au divin bonheur d'aimer, d'être aimée, caressant le délicieux rêve de consacrer sa vie à l'adorer, de lui payer, en tendresse passionnée, le sacrifice qu'il ferait en lui donnant son nom illustre, à elle, pauvre orpheline. Le réveil fut un coup de foudre. Brusquement, il était reparti, sans plus donner de ses nouvelles à sa tante, encore moins à sa maîtresse. Bientôt, Valentine Clément s'aperçut qu'elle était enceinte, et à son tour elle prit son vol vers Paris, où elle espérait retrouver l'infidèle, à la trahison duquel elle ne pouvait croire, malgré l'évidence. Elle chercha, fouilla longtemps, avec l'espoir tenace de l'amante qui ne veut pas maudire celui qu'elle aima. Rien, aucune trace. Ses lettres restèrent sans réponse. Pas d'argent, que faire? Travailler? Dérisoire ressource. Et sa grossesse, devenue visible, la dénonçait. C'était un brevet d'inconduite, presque d'infamie. Elle sombra dans les métiers vagues de la femme à Paris, gardant, hélas, il était bien temps, une honnêteté farouche. Et, un triste jour d'hiver, elle roula jusqu'au fond du garni de la mère Goujard, attirée par le banal écriteau. Ici, on loge à la nuit, prix modéré. À présent, le cœur déchiré et en proie à une sombre désespérance, elle errait comme une âme en peine, poursuivant follement sa course sans but. Oui, c'était bien fini, plus rien. Elle était sur le pavé. Et elle arriva enfin à la Seine, regarda le fleuve glacé qui commençait à craquer sous le dégel subi. Dans quelques jours, bientôt, on pourrait encore se noyer. Non. Elle ne voulait pas, décidément. Il fallait vivre, quand même, pour l'ange qui allait venir. Oh, pauvre innocent, déjà tant aimé. Elle avait entendu parler de la maternité, de la bourbe. Elle s'informa, honteuse, et s'en fut vers l'hôpital des accouchés d'alors. Lugubre et noire. Elle n'était point à terme, on la renvoyait à la clinique de la rue d'Assas. Justement, le chef était là. Mais, comme elle entrait, on vint réclamer d'urgence le concours du célèbre praticien pour une cliente, madame la comtesse Adrienne de Charmeuse, rue Saint-Dominique. Et il fit là aussitôt, renvoyant au lendemain la quémandeuse. « Plus de place, dit-il brièvement. D'ailleurs, rien de presse, vous n'êtes pas dans les douleurs. » Il se trompait. Valentine sentait qu'elle était à bout. La folie des fins de grossesse la hantait. Elle eut un rauque rugissement et s'élança sur les traces du docteur. « On n'a pas eu pitié de moi ? » menaça-t-elle. « Eh bien, à mon tour, je serai sans pitié. Roger, malheur à toi !»